J'ai réussi. Excellent. J'ai réussi. Sans pratique en plus, là, j'ai vraiment du mérite. Félicitez-moi. Jean Cloutier ici, en studio à CKRL pour l'émission Le Grain de Sable, en compagnie d'Étienne Blondeau. Allô? C'est notre dernière. Merci, allô. Merci d'être là, Étienne. Je sais que tu étais un assidu au moins à toutes les deux semaines. Tu venais nous voir. Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir d'avoir été là toute la saison. Donc, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé avec Dominique Bernier, avec toi, avec d'autres. Le monde selon Trump. Oui, ça me tentait de parler de la campagne américaine parce que je l'ai suivie, mais j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus ces derniers mois. Je pense qu'au moment où on se parle, la victoire de Donald Trump est inévitable parce que ça s'enligne pour être un duel entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et je dirais qu'il y a seulement, entre ces deux-là, il y a seulement Donald Trump qui maîtrise l'art de la communication. Comment on communique son idée à la foule pour la convaincre que ton idée est la meilleure. Lui, il maîtrise tous les trucs. Parce que dans les derniers mois, j'ai été ici à l'émission pour parler de la communication. J'ai donné quelques trucs. Si je fais un petit résumé de l'épisode précédent, là, je dirais que si vous voulez convaincre votre auditoire, il faut un message simple, court, que vous répétez souvent. Donc, un message simple et court. Et il faut qui soit illustré, accompagné d'images, ou bien faites des images vous-même, racontez une histoire, dressez un portrait dans votre discours, et il faut que ce soit aussi un discours qui est fidèle à l'identité de ceux qui vous écoutent. Ils disent « Je me reconnais là-dedans, ça me parle, je me reconnais dans ce que tu dis. » Et le truc le plus important, je dirais, c'est qu'il faut répéter ton message à toi, répéter jamais le message à l'adversaire. Ça aide l'adversaire quand tu ni son nom. Là. Ça, c'est une des choses qu'on apprend très vite quand on fait un petit peu de politique, comme j'ai fait. Là. Exactement. Dans ton porte-à-porte, faut pas que tu nommes le nom de ton adversaire, même exact. S'il est connu, même si c'est un nom dans la notoriété. Faut jamais nommer le nom parce que ça ouvre aussi une porte à parler de son adversaire. Exactement. Et quand on parle de son adversaire, ben, on est en train de lui donner des arguments, de justifier sa campagne, alors que ça nous enlève du temps à parler de nous-mêmes, en fait. Ben c'est ça, c'est comme les marques de savon, hein. On n'en retient que 3-4 peut-être dans notre tête. Alors, ceux qui répètent leur nom le plus souvent, ce sont eux qui gagnent. Ce sont eux qui sont achetés parce que ce sont les 3-4 à être retenus par à peu près tout le monde. Alors, répète pas le nom de la compagnie adverse, non. Acheter, c'est voter, comme Laure Varidel nous le dit. Oui, et ce que tu dis est important. Faut pas dire le nom de l'adversaire et c'est là la preuve de, je dirais, l'incompétence d'Hillary Clinton qui a aucune chance de gagner parce que un slogan, un des derniers qu'elle a adopté et qu'elle a abandonné récemment, c'était Love Trump's Hate. Donc, en gros, l'amour bat la haine. Mais en anglais, c'est Love Trump's Hate. Alors, il y a le nom de son adversaire, Donald Trump, en plein milieu. Alors, qu'est-ce que le monde retient quand ils entendent Love Trump's Hate? Ils retiennent Love Trump. Vous voyez, c'est comme si elle travaillait pour lui. C'est comme si elle était son attaché de presse, je sais pas quoi. Il y a vraiment de l'incompétence flagrante. Alors, ceux qui trouvent que c'est dommage que Donald Trump gagne, je dirais que c'est parce qu'il y a une très mauvaise rivale. Oui, mais elle a déjà perdu contre Obama. Et ben c'est ça. C'est une machine à perdre, finalement. Des gros sous, de l'establishment, mais qui est incapable de gagner. Les gens auraient dû le savoir et auraient dû plutôt se placer leur jeton. Du côté de Bernie Sanders, qui a toujours eu des chances de gagner plus grandes, les sondages, dès le départ, disaient que en campagne contre des républicains menés par Trump, Bernie Sanders, il gagne avec une longue avance parce que il y a un message clair et simple, hein, contre les inégalités et pour réduire souvent la pression économique que le monde vit, là, les qui sont endettés, surtout les jeunes aux États-Unis, c'est un point effrayant. Lui, il veut aider ce monde-là et il martèle ce message-là depuis des décennies. J'oublie son âge, hein, Monsieur Sanders, là, mais c'est pas hier qu'il a commencé à marteler ce message-là. Il a fait ça toute sa carrière. Alors, je disais que j'allais parler de l'habileté de Trump pour ce qui est de la communication. Il y a beaucoup de monde qui ont étudié ses discours. Parce qu'il répète toujours les mêmes mots, il répète les mêmes slogans. Et ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont étudié les mots qu'il utilise, son vocabulaire, et qui ont vu que c'est un vocabulaire qui peut être compris par des gens de quatrième année. Là, je dis quatrième année du primaire. Quatrième année forte? Oui. Je sais pas c'est dans des classes d'élite, mais en tout cas, c'est des mots d'une seule syllabe. Par exemple, win, great, tous ces mots-là qui sont extrêmement courts et parfaitement compréhensibles pour des écoliers, finalement. C'est là qu'on reconnaît qu'il y a une recherche derrière. Parce que c'est pas un hasard s'il emploie ces mots-là et qu'il s'interdit des mots plus longs, qui sonneraient plus intelligents, c'est qu'il sait que son public veut quelque chose de simple à retenir et veut beaucoup de slogans ou d'insultes ou de blagues qui sont courtes et c'est ça, facile à mémoriser. Il est très habile pour faire ça et c'est voulu parce que lorsqu'on écrit un discours, on se demande qui va nous écouter. Il faut choisir le mot le plus simple, le plus court, qui peut être compris par ce public-là. Les mots qui sont trop longs, c'est souvent quand on veut être absolument précis, exact, un peu comme un professeur dans une classe. Là, on parle de science, c'est là qu'il faut sortir les mots extrêmement précis, extrêmement pointus et longs. Mais dans un rallye politique, on n'a pas besoin d'un tel discours, surtout quand on vise à convaincre tout le monde, peu importe leur degré d'éducation. Alors, je dirais qu'il est particulièrement habile parce qu'il évite, c'est ça, il utilise des mots qui seront compris par tout le monde. Il n'utilise jamais de statistiques. Hein? Il va jamais dire, il va jamais sortir les graphiques pour expliquer pourquoi son programme est le meilleur. D'ailleurs, son programme, il ne s'étend pas là-dessus. On n'a aucune idée de c'est quoi son problème, son programme économique. En gros, il dit qu'il ne veut pas le révéler par stratégie. Parce que s'il révèle maintenant, c'est comme une arme pour ses adversaires. Au moment où il y avait une certaine faiblesse pour sa politique de relations internationales ou des affaires étrangères, là, ouais. Il a sorti un pan de son programme, mais il a été tellement critiqué que je pense pas que c'est une expérience qu'il a appréciée, que pendant plus de deux semaines, tous les grands éditorialistes américains, même à travers la planète, on a pris mot à mot ce qu'il a fait, on l'a décortiqué, puis on a montré son amateurisme et certaines idées. Mais c'était dans le but de corriger d'autres conneries qu'il avait dit avant. Oui, ben lui, je pense qu'il a saisi que le public est, comment dire... et épuisé par la politique. T'sais, les politiciens arrivaient avec des programmes qu'on pourrait dire bien construits, complexes, riches, avec beaucoup de points, et ils ne les appliquaient pas. Alors finalement, je crois que le public est moins intéressé par les plateformes et les programmes. Ils ont compris que c'était trop souvent du mensonge. Alors finalement, ils n'en veulent plus le programme. Et quelqu'un qui se trompe sur les chiffres, c'est pas ça qui va les émouvoir. Ils veulent de l'émotion pure, hein? Pas des plateformes extrêmement compliquées. Alors lui est plus un entertainer, si j'utilise un mot anglo-saxon là, parce que il faut bien comprendre ce qu'il fait. Lui, il teste tous ses messages, tous ses discours et même toutes ses insultes qui souvent tiennent en une petite phrase envers chacun de ses adversaires. Je sais pas si vous êtes familier avec les humoristes au Québec, comment ils fonctionnent. Eux autres, ils appellent ça le rodage. C'est le mot qu'ils utilisent. Hein? Ils vont dans les petits bars et ils testent des blagues. Là, ils regardent la foule et en direct, ils savent est-ce que ça a marché? Est-ce que le public rit? Ou est-ce que aux bonnes places. C'est ça, aux bonnes places. Et des fois même, c'est juste l'intonation. Est-ce qu'on change l'intonation sur un mot? Ah, tout à coup, là, c'est devenu drôle. Alors, il fait il fait de l'expérimentation. Dans ses rallyes politiques, vous l'avez, j'imagine, souvent vu à la télévision, il va dans des petites villes, ben des grandes villes souvent aussi, et il réunit des foules dans des arénas, et il teste des nouvelles phrases, des nouvelles attaques, des nouvelles insultes. Et il le voit si le public applaudit et rit. Alors, comme un humoriste au Québec qui teste dans des plus petites salles, il sait c'est quoi? Les phrases choc, mémorables et qui font rire immédiatement, donc les plus convaincantes. Mais est-ce qu'on doit faire un lien, Étienne Blondeau, avec la campagne à la chefferie du Parti québécois? C'est comme du bonbon. J'ai l'impression, tout le long de tes explications, j'essayais de mettre un nom. Comme quand on parle d'utiliser l'humour, de dire des phrases choc, Jean-François Lisée semble aller de ce côté-là. Hein? Il a sorti son expression, là, un hostie de bon gouvernement. Bon, ça c'est du Trump, là. Oui. Martine Ouellet, elle, plus radicale pour le référendum, a dit, oui, nous, pas tatouinage, un un référendum dans le prochain mandat. Donc, ceux qui même me suivent, donc les gens d'Option nationale, les radicaux du côté du PQ, les souverainistes pressés, comme on dit, indépendantistes à tout craint, eux vont aller avec Martine Ouellet. Donc, elle s'est campée de ce côté-là. Puis là, entre les deux, il y a... j'allais dire quelque chose de... Je l'aime bien, Véronique Yvon, mais il y a la femelle, Véronique Yvon, très attirante par sa gentillesse, son esprit de convergence. Et puis là, t'as le excellent Alexandre Cloutier, qu'on dit être celui de l'establishment. Donc, tout le monde met Cloutier gagnant. Tout le monde va essayer de se positionner par rapport à Cloutier. Mais là, on a l'extrême Lisée qui, lui, veut pas de référendum avant qu'il y ait eu un hostie de bon gouvernement. Donc, là... est-ce que, toi, on peut-tu adapter ta stratégie? Qu'est-ce que tu aurais à recommander et qui va gagner, d'après toi, si on suit l'utilisation de cette stratégie-là de « keep it simple, stupid »? Bien, ça dépend. Il y a la différence entre gagner le pays, être capable, celui qui est capable de convaincre la population de faire la souveraineté, ou tout simplement être choisi chef. Alors, moi, le parallèle entre Alexandre Cloutier et Hillary Clinton est évident. Quelqu'un qui semble être choisi à l'avance par, la gérontocratie, là, ceux qui contrôlent... Les stabilisateurs. C'est ça, qui contrôle le parti depuis longtemps, peut-être ceux qui ont le plus d'argent, qui contrôlent vraiment... La machine. Le candidat du système. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il est choisi par ceux-là, et donc qu'il est très bien placé pour être le chef... pour gagner sa candidature, c'est pas ça qui en fait un bon candidat. Parce que je pense pas que le public, au moment où on est rendu, est vraiment amoureux de tout ce qu'on peut qualifier de système. Hein? Je crois que lorsqu'on est anti-système, lorsqu'on se démarque, on marque beaucoup plus de points. Et je pense que la candidature de Bernie Sanders, par exemple, est typique. Hein? Parce que lui a un message mémorable parce qu'il s'écarte des autres. Il se démarque et il est anti-système. Il n'a pas été élu dans des salons hors des regards avant même sa campagne. Ah oui, je reconnais la petite chanson. C'est Dominique Bernier qui nous avait découvert ça sur le net. Donc, je fais une petite pause musicale en donnant de l'énergie à M. Sanders. Ouais. Toute une pause. C'est entraînant. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, encore une fois, Étienne Blondeau, avec la campagne à la chefferie du PQ? Est-ce qu'il y aurait un Mr. Sanders parmi les quatre, parmi Mme Ouellette, M. Lisée, M. Cloutier, Mme Yvon? Ouellette a un message, je dirais, clair et radical. Vraiment, dans son texte, dans le devoir de mémoire qu'elle avait écrit ça, ouais, c'est vrai, on sent qu'elle a un plan pour la souveraineté et que pour elle, c'est pas qu'un mot creux, c'est vraiment investi de toutes les luttes, que ce soit syndicales ou sociales, récentes au Québec. Et si on parle vraiment de comment réussir à faire la souveraineté, c'est en l'insérant dans les désirs de la population. Pour réussir à faire avancer l'idée, ben c'est de la communication. C'est les trucs que j'ai expliqués. Il faut répéter le message et surtout trouver une formule simple et courte pour vendre le message. Je crois que Bernie Sanders, lui, a évidemment réussi de son côté à faire passer son message. Lui, c'est simple, c'est parce qu'il martèle la même chose depuis des décennies sur les inégalités économiques. Et que vraiment, on sent que l'homme est tout entier porté par ce message-là et on le croit sincère, finalement. Par exemple, une Hillary Clinton ou un Donald Trump, ne transpirait pas la sincérité. Bernie Sanders, ça semble être le cas. Moi, je pense que l'anecdote la plus intéressante que j'ai croisée, c'était un de ses collègues, un républicain, qui travaillait des années à côté de lui au Congrès, qui disait que souvent, ils ont même eu des dîners là, dans le cadre du travail, là, et qui disait, après autant d'années, je connais à peu près rien sur Bernie Sanders, je sais pas où est-ce qu'il habite, je sais pas s'il y a des enfants, mais il n'arrête pas de me rabattre les oreilles sur les différences entre les riches et les pauvres. Ça, c'est un homme d'idées. Un homme purement d'idées. Et je crois que cette espèce de j'ai juste le mot pureté en tête, là, de quelqu'un qui n'a pas dévié du message, qui a jamais trahi ses idéaux pour faire peut-être une petite passe d'argent ou pour avoir un petit gain ici et là. Je crois que ça, des populations très jeunes, parce qu'il est suivi par du monde extrêmement jeune, là, pas le genre de personnes qui ont voté pour lui ou qui l'ont connu, là, porté par du monde très jeune, je crois que c'est cette sincérité-là, cette clarté-là du message, 100 fois répété, ils peuvent le comprendre, sans vraiment comprendre peut-être les subtilités économiques. Là. C'est un autre sujet que la communication. Là. Mais donc, Bernie Sanders, s'il était Québécois, s'il était dans une campagne à la chefferie, il serait plutôt du côté de Québec solidaire. Québec solidaire, moi, je sais même pas sa franchise, sa droiture, sa conviction d'un modèle et de ne pas y déroger. C'est une sorte d'Américadir, quoi. Oui, mais même là, Québec solidaire, ça peut être sévère ce que je vais dire, mais c'est que j'ai l'impression que peut-être ils trahissent jusqu'à un certain point leur message, parce que quand on regarde, j'arrive plus à me souvenir en quelle année, mais quand ils font des plateformes, par exemple, sur l'équilibre budgétaire, regardez comment notre budget est équilibré à la scène presse, et ils sont pas dans l'action, ils sont dans la réaction, ils semblent réagir ou deviner les critiques des autres et réagir à ceux-là. Ils adaptent leur message ou leur budget au désir de droite. Ils sont plus en réaction à l'autre, tandis que Bernie Sanders, lui, je crois qu'il vend sa salade et qu'il m'aime me suivre. Là. Si on a des critiques, on va pas comme adapter une petite virgule ici et là pour peut-être convaincre des ennemis qui ne voteront jamais pour nous. Jusqu'à quel point Hillary Clinton pourra utiliser des stratégies de communication ou de contenu de Sanders dans sa campagne une fois qu'elle sera déclarée officiellement dans le cadre d'une convention candidate officielle du Parti démocrate? Il n'y a aucun signe qui laisse penser qu'elle va se rapprocher de Sanders. Ben pour l'instant, elle le fait parce qu'elle a été là, elle est la candidate essentiellement par exemple des communautés noires aux États-Unis, alors qu'il y a quelques années, elle parlait de la criminalité dans les villes et qu'il y avait des nouveaux super criminels. Ça, c'était comme du langage codé pour dire que les crimes étaient causés par les jeunesses noires. Alors, elle a c'est une femme qui a beaucoup de casseroles, là, qui a un passé très inquiétant. Alors, de la voir essayer de changer son message des décennies plus tard pour essayer de se rapprocher du discours de Sanders, ça va pas coller. Là. Je pense pas que personne peut croire qu'elle est sincère une seule seconde. Elle dit que peut-être elle est pour le salaire minimum à 15$ US de l'heure. Ça serait révolutionnaire. C'est quand même des idées emprunté. Et les gens vont préférer l'original à la copie. Hein? Le premier qui en a parlé va toujours être plus vendeur que l'autre qui arrive tout à coup. « Ah, finalement, j'ai changé d'idée et par pur hasard, je me suis levé un matin et j'ai volé l'idée de mon adversaire. » Ça marche pas quand t'es le candidat des banques pendant des années. Ça peut pas prendre. Donc, Hillary est vraiment une très mauvaise candidate. Il aurait fallu que, dès le départ, de toute façon, il faut dire que les élites au Parti démocrate sont collées sur les sondages. Il me semble qu'il aurait dû voir que les sondages donnaient très tôt, longue avance, à Bernie Sanders contre un Trump. Oui. Mais donc mais les gens qui ont déjà voté dans leurs États pour Bernie Sanders ou Hillary Clinton dans le cadre de la Convention démocrate peuvent pas changer leur vote une fois rendus sur place. Là. Il faut qu'il y ait un premier vote. Là. C'est ça. C'est ben ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a une grande différence entre un candidat qui peut gagner à l'échelle de la nation quand on a la vraie élection, tandis que le système des partis, ça, c'est pas un système démocratique vraiment, là, c'est un système qui avantage les candidats d'institutions. Et de toute manière, très tôt dans la campagne, ce qu'on a vu, là, quand on regarde la carte des États-Unis, c'est les États du Sud, pendant ces primaires du Parti démocrate, c'est les États du Sud qui votaient massivement pour Clinton. Mais qu'est-ce qui se passe aux élections en novembre? Est-ce que les États du Sud votent démocrate? Non. Ils votent républicain. Alors, c'est assez douteux de voir Clinton avoir une telle avance grâce à des États qui ne voteront pas Clinton. C'est vrai, c'est marché. Tout est à l'envers. Surtout qu'avec ce collège électoral, on peut comprendre que c'est au total l'État. Bon, on se souvient de l'époque avec Al Gore et Bush fils. C'était dans le dernier État en Floride qu'on avait recompté. Il y avait eu le cheat gate qu'on appelait, là, où il fallait regarder avec un microscope si le vote avait été bien comptabilisé, si le trou avait été parfois à bonne place par la machine. Et finalement, c'est le total de gagner l'État qui avait fait gagner. Puis c'est un peu comme ça. Moi, j'ai assisté une convention présidentielle d'un parti politique aux États-Unis. C'est le Parti vert, le Green Party. Ouais. Et effectivement, il y a cette tradition dans une convention où chaque État, en ordre alphabétique, vont dire le résultat de leur État. Et j'ai assisté donc à des résultats où la candidate qui a gagné à l'époque, c'est Gil Stein, docteur qui s'était présenté au Massachusetts à l'époque comme gouverneur, qui est un médecin très connu dans le milieu politique, hein, évidemment. Une ancienne militante du Parti démocrate, d'ailleurs. Et des gens qu'on savait qui étaient contre la candidature de Dr. Gil Stein, mais qui, quand représentaient leur État, l'Arkansas, par exemple, ben, étaient obligés de dire le résultat de leur État, même si le leader du Parti vert de cet État-là était contre. Et donc, ça amenait des situations où... Et en plus, il y a un discours qui se faisait à chacun des États. Et chacun exprimait comment s'était déroulé leur vote et le résultat du vote. Bon, nous, en Arkansas, il y avait 12 délégués qui ont voté pour Gil Stein, alors qu'il y en a 15 qui ont voté pour Ralph Nader, par exemple. Alors que le candidat qui annonçait ça, porte-parole de son État, était contre le candidat dont il annonçait la victoire, finalement. Donc, ça amenait des choses où, dans le discours de présentation du résultat, le candidat choisi pour annoncer le résultat, ça a l'air compliqué ce que je dis, mais j'essaie d'expliquer quelque chose de bien simple, mais c'est que ça amenait de la zizanie, en fait. C'est un peu ça. Alors, moi, je pense que la Convention démocrate... On peut voir des jeunes vouloir encourager Bernie Sanders, des vieux de l'establishment vouloir que ce soit Clinton, sachant qu'ils s'en vont peut-être vers une défaite contre Trump, même s'ils gagnent. Oui. Et qu'ils ont peut-être dans le fort intérieur d'eux-mêmes le goût de changer leur vote, mais qu'ils peuvent pas le faire, même si ils ont dit sur tous les toits qu'ils étaient contre Clinton. Ils sont obligés d'annoncer que leur État était pour Clinton, même si eux ont milité pendant des mois, des années, pour Bernie Sanders. Mais la zizanie, c'est le bon mot, parce que c'est difficile de prévoir ce qui va se produire. Bernie Sanders, le simple fait qu'il se présente et qu'il capte l'attention, c'était imprévisible. la victoire de Donald Trump du côté républicain pour être le candidat est imprévisible aussi. Et pour ce qui est des conventions, ça, je crois que le peuple américain est peu informé de ce qui se passe là, et c'est en effet très compliqué. La seule chose qu'ils vont retenir, c'est que c'est compliqué, mais de manière à tricher, hein? C'est comme celui... On dirait quelqu'un qui est choisi à l'avance, qui est donné gagnant à chaque fois. Allons à la musique, un autre hommage à Sanders. That endless skyway I saw below me, that golden valley. This land was made for you. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I've roamed and rambled, I've followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. I saw my people, I'm really falling. This Land Is Your Land, c'est un tribute to Bernie Sanders. C'est un groupe du Vermont, le groupe Signal Kitchen, un groupe de Burlington qui ont dédié cette chanson-là, qu'ils font en spectacle. Et d'ailleurs, Bernie Sanders faisait partie de la chorale. Alors, on va en pause, si tu veux bien, Étienne Blondeau. On revient avec notre, notre wrap-up, hein, tant qu'à parler anglais, de cette campagne présidentielle qui va voir notre voisin avoir un président qui s'appelle Donald Trump. Ce soir, je passe un moment difficile. La langue remue au bout du fil. Je me balance sur l'hameçon. En fait, je vais juste donner un petit truc là, pendant qu'on se rend tranquillement à la pause. Je voulais tout simplement vous dire qu'il est encore temps, si vous partez tout de suite de chez vous, là, en auto ou en vélo avec vos écouteurs, parce qu'il ne faut pas manquer rien d'émission Grain de sable, vous pouvez vous rendre au projet Écosphère, à la foire environnementale qui se déroule à l'heure actuelle dans le Vieux-Port, à l'espace 400e. À 14h, il y a Pierre Langlois. Pour ceux qui écoutaient le 8e continent jeudi dernier, c'est un physicien consultant en mobilité durable qui va nous parler du grand bouleversement électrique d'ici 2030. Et d'ailleurs, si vous rendez à l'espace 400e, vous pouvez essayer une voiture électrique. Là. Il y a BMW qui est là, il y a Mitsubishi, il y a Nissan, il y a vraiment 4 à 5 concessionnaires qui peuvent vous faire essayer une voiture électrique. Après avoir entendu une conférence de Pierre Langlois qui travaille beaucoup comme chercheur sur la batterie électrique et les voitures électriques, donc c'est un moment important de vous rendre. Et puis il y a aussi ceux qui aiment Alexir, le projet Caca d'or d'Alexir dans une approche d'habitation circulaire. Lucie Mingui, présidente cofondatrice d'Alexir, est là. Il y a même un kiosque Alexir. Il y a plus d'une cinquantaine de kiosques en alimentation, en habitation et dans toutes sortes de domaines. Il y a même un kiosque du groupe de simplicité volontaire qui vend tous les livres d'éco-société. Donc, s'il y a des livres que vous voulez absolument avoir, il faut vous y rendre. 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89.1. Québec. Les 28 et 29 mai, la Foire Écosphère vous invite à l'espace 400e. Pas moins de 40 conférences et une centaine d'exposants touchant l'alimentation bio, la santé, la construction écologique et les voitures électriques. Voyez Alexandre Desilets en spectacle le samedi 28 mai. Tout est gratuit. Visitez foireécosphère.org pour notre santé et celle de la planète. Une collaboration de la Ville de Québec. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente, en collaboration avec Hydro-Québec, le 33e Festival de la chanson de Tadoussac. Pour l'occasion, des navettes partiront vers Tadoussac de la gare centrale de Québec. Jeudi 9 et vendredi 10 juin à midi. Les retours vers Québec se feront le dimanche 12 juün à 11h et 13h. $40 pour l'aller-retour. Informez-vous au 1-866-861-4108. Une invitation de la bière Belle Gueule. Profitez des bienfaits d'une eau de source naturelle de qualité supérieure. Au Mont-Bélair vous offre une eau pure récoltée directement à la source du Mont-Bélair depuis plus de 40 ans. Choisissez la seule eau de source naturelle ayant le plus faible taux en sels minéraux au Québec en format 11 ou 18 litres. Agrémentez votre consommation d'eau de source avec différents refroidisseurs ou accessoires variés. Consultez notre site aumontbelair.com. Qualité et fraîcheur garantie en tout temps. 1780 Avenue de la Montagne Ouest, 418-843-5660. Livraison gratuite. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Seb's Thé et Lounge au 67 boulevard René-Lévesque Est. Votre carte au coût de $25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous êtes curieux et souhaitez tout connaître de la nouvelle programmation estivale de votre radio favorite? CKRL vous invite le 30 mai dès 15h30 au Bal du Lézard. Animation en direct, entrevues avec les artisans de la radio et musique seront au menu de ce lancement. À cette occasion, assistez à la remise de prix lors de notre gala annuel. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. Ça, c'est cool! 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux. Préfère encore traverser par la flaque d'eau que par le bord où je les verrai comme il faut. Merci aux trois accords, caméra, vidéo. C'est une façon de remercier aussi les gens qui sont venus au lancement à Québec du film Le bien vivre simplicitaire d'un café à l'autre. Un film que j'ai pris 3 ans à concevoir et 1 an à tourner, 3 mois à monter. Et donc les monteurs, caméramans, beaucoup d'intervenants importants étaient sur place. Alors je veux les remercier. C'était pas chaud, hein? Je sais pas si c'est pareil ce soir, là, mais quand le soleil est là, il fait beau, il fait chaud, mais quand le soleil se couche, ouf, ça a coûté cher de gilets. fait de couvertes et de sleeping pour garder le monde jusqu'à 11h30 sous une tente dans le Vieux-Port, sur le bord du Bas-Saint-Louise, à l'ombre du fleuve. Alors, merci à tous ces gens et ça se poursuit, hein, le projet Écosphère, cette grande foire environnement et éco-habitation. Et tout à l'heure, on entendra Alexandre Desilets, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il est en spectacle ce soir à 21h sous la grande tente, au même endroit où on faisait la présentation du film Pipeline, Pouvoir et démocratie avec André Delisle. Puis il y avait aussi Céline, Anne-Céline Guyon, qui était conférencière ce matin à la Foire Écosphère. Donc, c'est un endroit à être. Si vous êtes un petit peu écolo, vous faites attention à votre alimentation, et même que tout à l'heure, voyez-vous, j'ai allé un kiosque, j'ai acheté là, pas d'insecticides, mais un produit qui éloigne les insectes, mais très écolo, le savon, le petit push-push, tout ça à la citronnelle. Donc, on se protège des insectes d'une manière écologique, respectueuse de l'environnement. Il y a plein de choses qu'on peut non seulement acheter des livres, mais acheter des produits qui vont nous servir le reste de l'année. Donc, c'est une grande foire où on parle d'agriculture bio, d'alimentation, de construction écologique. D'ailleurs, il y a une petite maison traînée par une remorque qui est beaucoup plus beau que ces fameuses roulottes tirées par des F-150. C'est tellement laid, ces roulottes-là faites en aluminium, alors qu'on pourrait avoir une belle petite maison en bois faite sur mesure, qu'on fait nous-mêmes même. Donc, on y parle de développement durable. Il y a des essais routiers, comme je disais tout à l'heure, pour essayer une voiture. Jamais essayé une voiture électrique, mais c'est le temps, après-midi. Même sur la rive sud, il y a Branchez-vous. Et sur la rive nord, ici, dans ceux qui sont plus proches du Vieux-Port, rendez-vous au Bas-Saint-Louise. Il y a plein de choses que vous allez apprendre sur les nouvelles technologies écolo, des mini-maisons, des livres santé, des conseils santé. Donc, rendez-vous-y ça sera votre bonne, comme on dit, votre bonne action de la journée. En plus, ça se termine ce soir avec une soirée des sages, juste avant le spectacle d'Alexandre Desilets. Il y a un panel où il y aura Claude Bellan, hein, ancien président du Mouvement des Jardins, Philippe Rourque, directeur du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, Sidney Ribaud d'Équiterre, hein, ils ont même un kiosque là-bas si vous avez des questions à poser à Équiterre. Je ne pense pas que Stephen Guilbeault y soit, parce qu'il y a d'autres rencontres à travers le Québec, mais il y aura aussi Mélissa Molène-Dupuis, présidente de la WAP Connie Mobile. Donc, plein de monde intéressant à entendre, des sages et des moins sages. Étienne Blondeau, on n'en avait pas fini, nous, avec les Américains. Est-ce qu'on peut garder espoir quand même? Est-ce que ça vaut à peine de continuer à suivre la campagne où là, les dés sont pipés? Là? Ben, ça reste une nation tellement importante sur la scène internationale qu'à la limite, on n'a pas le choix de suivre l'affaire. Et ce qui peut être intéressant, c'est surtout ce qu'on peut apprendre de cette situation-là. Et moi, je peux juste dire que la communication, les trucs de communication, c'est toujours ça qu'on doit garder en tête. Dans les derniers mois, j'ai parlé des problèmes des gouvernements de gauche en Amérique latine. Ben, je crois que c'est justement parce qu'ils ne maîtrisaient pas les habiletés ou les armes de communication qui peuvent être utiles pour se convaincre les gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de moyens de s'inspirer de ce qui se passe dans la campagne, surtout du succès de Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'imiter, ça doit dire qu'on doit apprendre de ce qu'il fait, apprendre à se protéger contre sa rhétorique et apprendre à l'utiliser, je dirais, peut-être mieux que lui pour les idées qui nous intéressent, nous. D'autres trucs de communication qu'il faut retenir, moi, je pense un des plus importants, c'est le jargon qu'on doit éliminer. Il faut arrêter d'utiliser du jargon parce que les gens qui ont fait des études longues ont toujours ce même problème d'utiliser vraiment du jargon qui vient de leur milieu. Ça les empêche de rejoindre plus de gens lorsqu'ils parlent. Il peut y avoir un pouvoir à ça au jargon. Hein? Les économistes ou ceux qui nous vendent ces traités de libre-échange du matin au soir, ils parlent de jargon technique et comme ça, on est comme... on est comme sonné, là. On ne sait pas comment réagir vu que c'est des mots incompréhensibles et qu'ils disent on souhaite votre bien grâce à ces formules mathématiques. Le gros du peuple peut pas répondre et peut pas se défendre contre ça. Mais quelqu'un qui veut vraiment avoir l'appui du peuple va oublier le jargon et essayer d'utiliser des mots plus courts, plus simples, comme je parlais tout à l'heure. Moi, récemment, j'ai entendu parler d'un psychologue qui s'appelle Cialdini. C'est lui l'expert mondial de la persuasion. Et lui, lorsqu'il écrit, Il a fait de longues études, mais il écrit très simplement, avec un langage accessible. C'est que lui, il imagine. T'sais, imaginez comme dans les dessins animés, quand quelqu'un a comme un petit ange et un petit démon sur ses épaules. Lui, ce qu'il imagine, c'est s'il y avait son voisin sur son épaule, et que dès qu'il finissait une phrase, il essaie d'imaginer si son voisin peut comprendre cette phrase-là. Et il continue pas tant que c'est pas compréhensible et accessible. Il faut toujours garder ça en tête, être très conscient de ce qu'on fait. Et d'autres trucs qu'on peut regarder dans la politique, ben c'est l'art du discours. Très important à retenir. Le meilleur discours, c'est celui qu'on a écrit à l'avance et qu'on fait semblant de dire, qui est récité d'une manière qui porte pas à croire que c'est justement écrit à l'avance. Hein. Moi, je pense à Winston Churchill qui, lui, écrivait ses discours et les avait sous forme de papier devant lui. Mais il faisait tout pour que ça paraisse pas qu'il les lisait. Il faisait semblant de replacer ses lunettes. Il faisait semblant de changer sa posture. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il baissait les yeux pour lire. Parce que pour lui, c'était très important que la phrase soit parfaite. C'est pour ça qu'il écrivait tout à l'avant. Donc, il faut que ça sonne naturel, mais que la phrase soit parfaite et bien étudiée. Et moi, je crois que, bon, on regardait le cas de Donald Trump. Si ses mots sont accessibles pour du monde de quatrième année de primaire, c'est prévu. Il a tout étudié les mots les plus accessibles possibles. Il raconte même des contes pour enfants dans ses rallyes politiques. Mais René Lévesque était connu là, pour être un grand discoureur, un grand tribun. Et il disait que, dans le fond, lui, quand il préparait un discours, il s'adressait à un adolescent de 14 ans. Oui. Il était sûr que si un adolescent de 14 ans, 15 ans, un étudiant secondaire quand même assez fort en histoire, s'il comprenait, il avait atteint son objectif. Alors que Duplessis, lui, peu importe ce qu'il disait, puis il disait vraiment n'importe quoi aussi à certains moments donnés, il voulait répéter trois fois le même message, mais d'une manière différente. Oui. Donc, quand il préparait un discours, il savait qu'il allait dire une chose en particulier, une idée politique de son programme, d'une manière au début, d'une deuxième manière, mais toujours le même objectif, même sujet, dans le milieu de son intervention, et à la fin conclure d'une troisième manière le même sujet. Et là, quand il avait réussi ce tricotage intellectuel, eh bien, il avait atteint son objectif, et souvent, il a été réélu jusqu'à sa mort, en fait. Ah ben là, dans tes deux exemples, je reconnais des génies de la communication, parce que, et j'espère qu'il va en être ou en apparaître d'autres dans la campagne au PQ, on ne sait pas, on va falloir surveiller, mais dans le cas de René Lévesque qui s'adressait aux jeunes, ben c'est ça, il faut savoir leur parler aux jeunes. Ils sont pas intéressés par la politique maintenant. Mm. Faut savoir leur parler avec le langage qu'ils peuvent comprendre pour les intéresser. Alors très peut-être que pour la manière Trump peut-être fera leçon, fera école. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais nous amener au prochain numéro de Relations. Quand je dis prochain, c'est pas celui qui vient d'arriver en juin, qui est un troisième d'une trilogie, mais le prochain numéro de juillet-août. Il y aura à lire dans un numéro consacré à l'accaparement des terres, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse grandement, puisqu'il y a un lien, justement, avec la COP21, il y a un lien avec le marché du carbone dans d'autres pays que le Québec. Le marché du carbone a un lien avec l'accaparement des terres, donc le fait que certaines grandes multinationales puissent prendre le contrôle de certains forêts publiques dans des pays en voie de développement, surtout. Donc, on devra surveiller ce numéro-là, mais il y aura un débat sur la candidature de Donald Trump. Donc, à surveiller en juillet-août dans la revue Relations, pardon. Et j'aimerais rappeler que effectivement, les trois derniers numéros de Relations étaient dans une thématique, une trilogie, qui souhaitait vraiment consacrer du temps à ce qu'on appelait l'amour du monde et la résistance. L'amour du monde, socle de toute résistance, et la résistance impérative de notre temps. Et le dernier, sur le thème « La puissance de la création », il y a vraiment des textes intéressants de Jean-Claude Ravet. Et on a aussi un texte de Roger Rachid qui nous parle qu'on s'en va vers le Forum social mondial 2016 à Montréal. Est-ce que tu as prévu y participer, toi, Étienne? Oui, j'y serai. J'espère pouvoir y faire une petite présentation sur la monnaie, vu que c'est le sujet que je connais le plus. Ah oui? Mais ouais. Donc, ça se fait, ça, à quel moment? C'est au mois d'août, là. Je sais que la foire Escosphère se fait les 13 et 14 août, mais que le 9 août, il y a une grande marche qui est annoncée à Montréal. J'espère qu'on vous y verra, chers auditeurs. Mm-hmm. Oui, pour ce qui est du FSM, de mémoire, c'est du 9 août au 14. Oui. Mais toi, ta conférence, ça sera quand? Ah, ça, c'est à déterminer. On suit ça. De toute façon, il y a un kiosque au projet Causphère du Forum social mondial. Allez-y, posez les questions. Il y a, je sais, un comité sur la décroissance en lien avec le groupe de simplicité volontaire qui est en train de se créer à partir de Québec, qui sera jumelé avec d'autres simplicitaires d'à travers le monde. Et Attaque Québec, donc, vous invite mardi 14 juin. C'est plutôt à Montréal, hein, à 19h. Attaque Québec organise une sorte d'activité où on y accueillera un représentant de l'équipe d'organisation du Forum social mondial de Montréal qui présentera l'événement dans tous ses détails. On y parlera de ce que le FSM, hein, comme on a appelé, représente pour Attaque, parce que ça c'est Attaque France, Attaque, il y en a dans 17 pays, ont participé à quelques reprises à ces forums sociaux. D'ailleurs, des représentants de Québec sont allés. Dominique Bernier était à une rencontre au Brésil en janvier. On lui a parlé quand elle était là. Donc, il y a des rencontres préparatoires qui se font. Il y en a une importante le 14 juin prochain, 3720 Avenue du Parc, à l'angle des Pins, deuxième étage. C'est une façon là, de se préparer au groupe en collaboration avec le groupe Alternative. En fait, ça se fait dans leurs locaux, qui sont aussi les locaux d'Attaque, hein, si je ne m'abuse, Étienne, à Montréal. Les locaux d'Attaque Québec sont dans les locaux d'Alternative. Donc, c'est au bureau d'Attaque Québec. On vous y invite à y aller pour préparer cette marche, entre autres, et quelques activités. Vous savez, le principe du Forum social, c'est que si on veut présenter un atelier, c'est possible. On peut se joindre à d'autres ateliers dans le but qu'il y ait plus de monde. Parce que si tout le monde, s'il y a 150 groupes qui organisent 150 ateliers en même temps, ben, on n'aura que les gens de notre gang dans notre atelier. Alors, c'est des rencontres importantes pour prévoir fusionner certains ateliers pour que les gens de l'un organisent et participent à ceux des autres. Donc, c'est important d'y aller à ce genre de rencontres. Venez nombreux pour s'y faire. Et donc, la revue Relations actuelle qui vient de sortir, on y parle que le Forum social mondial est à un tournant plaçant celui de Montréal face à plusieurs défis. On sait déjà que c'est le premier en Amérique du Nord. Ouais. C'est une tradition qui vient d'Amérique du Sud, du Brésil, de Porto Alegre, à l'époque où M. Lula, dont le parti a été sorti du pouvoir récemment avec Mme Rousseff, Dilma Rousseff, qui en fait n'est plus là, mais il faut dire que le parti socialiste brésilien est à l'origine de ces forums social mondial. Alors, je ne sais pas si M. Lula nous fera le plaisir de venir faire un tour ici pendant Montréal, mais il y aura des gens de partout dans le monde qui sont là. Le fait que ça se fasse au Québec, au Canada, dans le Nord, il y a les Autochtones du Québec qui sont très impliqués dans la préparation de ça. Donc, je sais qu'il y aura de grandes marches. Mardi en après-midi, on veut atteindre des records qu'on n'a jamais atteints. Donc, on leur souhaite, si vous êtes de passage à Montréal au mois d'août, informez-vous qu'est-ce qui est possible de faire. Revenir ensemble. Oui, allez changer d'air, allez marcher dans le Vieux-Port aujourd'hui, allez voir Alexandre Desilets ce soir, spectacle gratuit, hein? Si vous rendez dans le Vieux-Port à l'espace 400e à 20h, Alexandre Desilets en cadre de la foire, la première foire environnementale et écohabitation à Québec, Écosphère. Et j'aimerais te demander, Étienne, puisque je veux absolument qu'on parle de libre-échange. Oui, oui. Nos candidats, là, Trump et Clinton, qu'est-ce qui est le mieux pour être contre le libre-échange? Contre le partenariat transpacifique? Je dirais que ce qui est triste, c'est qu'aucun est mieux. Ben, Trump, dans ce qu'il dit, est particulièrement contre le libre-échange, mais lui parle surtout du Mexique, parle surtout de la Chine. Il parle pas tant de ces nouveaux traités qui s'en viennent. Clinton, elle, est la candidate assez claire des élites économiques, surtout des banques, alors elle est forcément pour. Mais vu que... qu'elle a Bernie Sanders comme une épine dans le pied, elle va toujours parler en peut-être et en finalement va peut-être reculer un peu. Les deux sont pas crédibles. Bon, ben justement, raison de plus pour se rendre le 6 juin prochain au Centre de commerce mondial à 12h30. Il y a de la grande visite à Montréal. C'est l'honorable Christian Freeland qui organise une assemblée générale sur le PTP, sur le partenariat transpacifique. Donc, le 6 juin, ensemble, accueillons la ministre du Commerce international. Nous ne voulons pas du PTP. En signant le partenariat transpacifique le 4 février 2016 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement de Justin Trudeau place la population devant un fait accompli, alors qu'il avait promis de consulter, de faire des commissions. Alors oui, ben, qu'elles viennent consulter. Donc, les gens de Québec veulent se rendre à Montréal. On va organiser ça. Allez sur le site d'Attaque Québec et vous pourrez dire à la ministre du Commerce international que le PTP est un mauvais accord à prendre tel quel ou à laisser. Le gouvernement fédéral a brisé sa promesse de vraie consultation et de tenir un débat public approfondi et ouvert. Donc, le PTP est un mauvais accord au plan économique, social, politique, culturel et environnemental. Donc, allons mettre un grain de sable à Montréal le 6 juin ensemble. Ça me fait plaisir d'être avec vous cette année. Je ne sais pas si CKRL nous fera revenir l'an prochain. En tout cas, nous, on a fait la demande, le grain de sable, l'équipe d'Attaque Québec. Merci à Dominique Bernier qui est venu souvent. Merci Étienne Blondeau. Merci à Claude Vaillancourt, nos invités de toute l'année. Sans vous, cette émission n'aurait pas pu être aussi intéressante. Alors, coudonc, on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Ne me dis pas qu'il est déjà trop tard. Safia Nolin, Dumas, Laurence Nerbonne, Francis Faubert, Zébulon, Kit Kuna, Rosie Vallant et plein d'autres. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Je reviendrai parmi vous. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Stéphane de la succursale Saint-Roch vous suggère Les Fous du son de Laurent de Wilde. Une fascinante épopée chez les inventeurs de la musique électronique. De Thomas Edison aux Drum Machines, en passant par les Thérémines, Robert Moog et autres savants fous. Et Anne-Marie de la succursale du Vieux-Québec vous propose La Chambre verte de Martine Desjardins. Un roman à l'humour noir aussi finement écrit que divertissant, où, pendant que les gens sont occupés à compter leur argent, les maisons en profitent pour raconter leur histoire et parfois même se retourner contre leurs occupants. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Profitez des bienfaits d'une eau de source naturelle de qualité supérieure. Au Mont-Bélair vous offre une eau pure récoltée directement à la source du Mont-Bélair depuis plus de 40 ans. Choisissez la seule eau de source naturelle ayant le plus faible taux en sels minéraux au Québec en format 11 ou 18 litres. Agrémentez votre consommation d'eau de source avec différents refroidisseurs ou accessoires variés. Consultez notre site aumontbelair.com. Qualité et fraîcheur garantie en tout temps. 1780 Avenue de la Montagne-Ouest, 418-843-5660. Livraison gratuite. Les 28 et 29 mai, la Foire Écosphère vous invite à l'espace 400e. Pas moins de 40 conférences et une centaine d'exposants.